sous le regard du ciel sans pitié. Son nom n'était qu'un murmure, mais son feu brûlait déjà. Les sables l'ont vu tomber puis se relever. Les sables ont tout pris, mais lui ont tout appris. Dit le vent. Répète la pierre et l'écho se propage. Il ne construit pas pour dominer, il construit pour qu'on n'oublie pas. Chaque vieux est un témoin, chaque instant une offrande. Il ne peut chaque souffle.